I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. En 81, en 81, j'écoutais ça. Ben ouais, ben j'écoutais ce qui passait à la radio. Puis à l'époque, les radios, ben il n'y avait pas vraiment les radios libres, donc on n'avait pas beaucoup le choix. Mais quand même, j'écoutais aussi un petit peu de français. J'écoutais un mec que vous connaissez peut-être qui chantait ce petit truc-là. Vous reconnaissez pas ? C'est le copain de Laurent Voulzy. À l'époque, c'était super branché, hein, on l'appelait La Souche. Elle me dit que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie. Ouais, je sais, j'écoutais du gros rebelle à l'époque, mais j'écoutais encore du plus gros rebelle. J'écoutais un mec qui s'appelait Hervé Christiani. Même pour les imbéciles, il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges, il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max, il est libre, Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort dans le panier de crâne. Alors que moi aussi j'étais un gros rebelle, aussi rebelle que Hervé Christiani, j'écoutais un mec que pas grand monde écoutait qui s'appelait Romain Didier. Et ce morceau s'appelait L'aéroport de Fiumicino. La radio, les 45 tours, ouais, les 45 tours, allez rigoler. Je me suis rendu compte qu'on pouvait acheter soi-même des albums entiers, de groupes de rock. Et à Noël, comme 33 tours, j'ai eu ça. J'avais un ami, mais il est parti. Ce sens à ma vie, il n'est plus en vie. Il m'a tout donné, puis s'est effacé. J'ai cru oublier. découvre le rock. Alors je vais gratter un peu plus et je me rends compte que Au cœur de la nuit, c'est déjà le 3e album de Téléphone. Donc je vais reprendre ma machine à remonter le temps et je découvre d'autres albums de Téléphone avec notamment ces morceaux-là. Album en 77 de Téléphone, mais en 79 l'album s'appelle Crash ton venin. Téléphone toute ma jeunesse. Mais puis à ce moment-là, je découvre le terme best-of. Qu'est-ce que c'est qu'un best-of ? Eh ben, c'est quand on a pris du retard avec un groupe, on achète un album, un best-of, et on a tous les meilleurs titres. Et mon premier best-of, c'était ça. Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey. début des années 80 et moi je vais prendre un autre virage, je vais laisser un petit peu Queen pour m'orienter plutôt vers ce genre de musique là. Merveilleuse année 1983 arrive. Pourquoi merveilleuse? Tout simplement parce que U2, Simple Minds et Depeche Mode sortent tous les trois un merveilleux album. Le premier c'est War de U2, le second Special in the Rain de Simple Minds, et nous on va écouter un petit morceau d'un album de Depeche Mode, de l'album de Depeche Mode de 83 qui s'appelait Construction Time Again, et le morceau s'appelle Everything Counts. We'll be right back. à partir de là, c'est la folie. On va enchaîner les groupes comme REM, les Church, les Cure, bien sûr, Bauhaus, mais aussi Sisters of Mercy. Walk. Et là, c'est la fin des années 80, et franchement, le début des années 90, ben, je deviens un peu plus rock, j'oublie un peu la New Wave, et je bascule vers des groupes très rock comme The Smashing Pumpkins, qu'on va écouter, et aussi Nirvana. Thank you. enchanted in the rapture of his sentimental sway, but underneath the wheels lie the skulls of every cog, the fickle fascination of an everlasting god. You know I'm not dead. I'm slamming in my heels, forever waiting, forever waiting, a cruel death. You know I'm not dead. I'm just living for myself, forever waiting. C'est donc les années Nirvana, les années grunge, mais pas que, puisqu'en France, des petits groupes apparaissent et commencent à pointer leur nez, je pense à Aston Villa, mais surtout à Noir Désir. Your valley. reparle, j'hallucine. Je danse en ces temps d'abondance. Ici, aucun destin n'hésite. Changer depuis 10 secondes. Un monde respire, je culmine. Je rêve, là, je dors dans tout l'espace, en l'espèce. Je rêve, là, je dors, un poste, une place. Je fais l'homme que rien n'étonne. Mais c'est le mien et je l'aime d'autant plus qu'il nous conduit aux deux derniers morceaux qu'on va écouter ce soir. Tout d'abord Smash and Crab de Juliette and the Licks et on terminera notre soirée avec The Rock and Rollers, le morceau Steady as She Goes. Et sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Steady as she goes.